Alors, ces misérables, tombant hors de leur siège et se prosternant tous, tremblant et gémissant, dirent « Ce n'est pas nous. » « Mais qui donc est coupable alors ?»« Ce sont les princes. La terre est par les rois divisée en provinces. Nous renvoyons au roi toutes nos actions. Les princes commandaient. Nous leur obéissions, Seigneur. Car de tout temps, les prêtres et les mages nous ont dit que les rois, ô Dieu, sont vos images. » L'ange dit, « Amenez les images de Dieu. » Des êtres monstrueux parurent.